Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Alors que s'est-il passé, par exemple, le 14 juillet ? Eh bien, le 14 juillet 1789, en France, le peuple du faubourg Saint-Antoine prend la Bastille, une forteresse transformée en prison, symbole de l'ancien régime. La Révolution française commence. Avant de se coucher le soir, le roi Louis XVI note sur son journal 2.14, rien. Il ne s'est rien passé le jour du 14 juillet pour Louis XVI. Bon, il ne devait pas lire le journal ni regarder la télé. Enfin, ben, la télé n'existait pas à l'époque, mais il ne se tenait pas forcément très au courant de l'actualité. Hein, pour marquer qu'il ne s'était rien passé le 14 juillet, il aurait dû penser que la prise de la Bastille, c'était le commencement du début de quelque chose. 1880, France. Le premier 14 juillet, sous le signe de la réconciliation, l'amnistie des communards vient d'être votée. Une peinture de 10 mètres de haut représente Gambetta serrant la main à un ouvrier amnistié. Ah oui, Gambetta, il a amnistié les ouvriers qui s'étaient révoltés quelque temps auparavant. Hein ? Ben oui. 1882, France. La direction des mines de Montsou-les-Mines fait travailler ce 14 juillet, mais en revanche, elle transforme le 15 août, fête religieuse, en jour chômé. Ça, c'est la laïcité façon Macron. Vous voyez, comme quoi l'histoire, ben, souvent, elle se répète. Hein. Oui. Bon, on change un peu la forme, on change un peu, mais bon. 1889, France, il y a les progressistes et les réactionnaires. Les progressistes qui sont tournés vers le progrès, vers l'avenir, vers, hein, qui veulent avancer. Et puis les réactionnaires qui ne rêvent que de freiner et de retourner en arrière. Ah oui, voilà, c'est leur rêve à eux. Le passé, c'était bien. Alors, 1889, centième anniversaire de la prise de la Bastille. Deux congrès socialistes parallèles sont réunis à Paris. L'un, possibiliste, rue de l'Ancrie. L'autre, marxiste, salle Pétrel. Ce dernier sera regardé comme le point de départ de la deuxième internationale. On y prend la décision de faire du 1er mai 1890 une manifestation internationale en faveur de la journée de 8 heures. En faveur de la journée de 8 heures. Il regroupe 391 délégués venus de 21 pays. Devant la scène, on lit l'inscription au nom de Paris de juin, du Paris de juin 1848 et de mars-avril-mai 1871, des Blanquis et des Varlins, salut aux travailleurs socialistes des deux mondes. 1891, France. Suite à la fusillade du 1er mai, les troupes sont maintenues à Fourmies jusqu'à ce jour. 1903, France, toujours le 14 juillet, à Hennebont. C'est un 14 juillet pas comme les autres, pas de réjouissance, mais le 15e jour de grève, pour éviter une émeute du pain, qui rappellerait l'ancien régime dont on fête la chute, la municipalité fait distribuer au domicile des nécessiteux, et non à la mairie, des bons de pain et de viande. 1914, France, le Congrès socialiste de Paris se prononce pour la grève générale en cas de guerre. Le Congrès socialiste de Paris se prononce pour la grève générale en cas de guerre. Donc, si on avait suivi les socialistes français et les socialistes allemands, la guerre de 14 n'aurait pas eu lieu. On aurait fait l'économie de 8 millions de morts. Vous vous rendez compte ce que c'est que de ne pas voter à gauche, de ne pas penser à gauche, de ne pas être de gauche. C'est grave, c'est criminel parfois. 1921, USA, Niccolò Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont condamnés à mort pour meurtre, malgré l'absence de preuves. Malgré l'absence de preuves. Ils sont anarchistes. Cela suffit. 1927, Autriche. Les assassins des militants ouvriers de Schattendorf sont acquittés. L'Arbeiter Zeitung écrit « Cet acquittement est indigne. Les travailleurs se trouvent placés en dehors de la justice et du droit. » Tiens, déjà. Tiens, encore. 1927, Chine. Les communistes sont chassés du Kuomintang et réduits à la clandestinité. 1929, Autriche. Congrès international des jeunesses socialistes à Vienne. 1933, Allemagne. Une loi décrète le Parti national socialiste, le parti nazi donc, des travailleurs allemands constitue le seul parti politique en Allemagne, NSDAP. Quiconque entreprend de maintenir la structure organisationnelle d'un autre parti ou de former un autre parti sera puni de servitude pénale jusqu'à 3 ans et d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans si cet acte n'est pas sujet à une punition plus grave selon d'autres règlements. Voilà, les nazis viennent à peine d'arriver au pouvoir que déjà la répression féroce s'abat sur le pays et sur les partis de gauche, bien sûr, les partis de gauche. Eh oui, les ennemis des nazis, ce sont les gens de gauche. 1936, Espagne. Dans une déclaration de presse, les partis de gauche et les organisations ouvrières offrent leur appui au gouvernement pour la défense du régime républicain contre la montée du fascisme. Le gouvernement ordonne la fermeture des locaux anarcho-syndicalistes, anarchistes et monarchistes. 1937, France. La classe ouvrière fête les succès remportés par le Front populaire. 1 million de manifestants convergent vers la place de la nation. 1958, Irak. À l'aube, le général Qassem, appuyé par la population, réalise un coup d'État militaire, renverse la monarchie et proclame la République. C'était en 1958. 1977, USA. Le Sénat approuve la construction de la bombe à neutrons qui tue les hommes mais laisse intact le matériel. Ah oui, comme ça on récupère les avions, les bateaux, les chars, les automitrailleuses, etc. Tout ça, c'est pas abîmé du tout, du tout, du tout. On peut en s'en servir de nouveau. Eh oui, on a tué que les hommes. Eh oui. Tiens, faudrait faire la guerre avec des robots. 1980, Danemark. Dans le cadre de la décennie de la femme, 1975-1985, une conférence mondiale de l'ONU rassemble 150 délégations, dont 120 sont conduites par des femmes. Elles demandent l'égalité, le développement et la paix. Le 15 juillet 1514, en Hongrie, le plus grand soulèvement paysan de l'histoire hongroise commence. Il s'achèvera dans une bataille près de Temesvar, où les féodaux baignent le pays d'un flot de sang. Ah, en Hongrie, le sang. 1833, France. Lors d'une grève des ouvriers de la soie à Lyon, les fabricants, c'est-à-dire les propriétaires des usines, disons, des ateliers, craignant une extension du conflit, acceptent les nouveaux prix. Cette fois, les canuts ont gagné. Les canuts, c'est ceux qui font le travail. 1833, USA, à New York, après une grève réussie des charpentiers, grâce au soutien des autres corps de métier, les travailleurs se réunissent pour former un cartel. Menuisiers, imprimeurs, travailleurs du cuivre et du cuir, d'horreurs et boulangers y participent. 1876, Mexique. Le numéro 5 de El Hijo del Trabajo, le fils du travail, traite de l'émancipation de la femme. 1876 encore, mais aux USA, le congrès de Philadelphie prononce la dissolution de la Première Internationale, conçue en France, née en Grande-Bretagne, agissant à travers l'Europe, elle s'éteint aux USA. Elle a été un lieu privilégié de concertation et d'action internationale. Elle a aussi vu s'affronter deux conceptions de l'humanité, avec un H majuscule à humanité, et de l'histoire, avec un H majuscule à histoire. Le marxisme, avec son souci de systématisation révolutionnaire, et l'anarchisme, avec son attention à l'explosion révolutionnaire brute. 1910, Allemagne. Grève de 10 000 dockers à Hambourg. Les patrons lock-out, 2400 ouvriers. 1922, Japon. Fondation du Parti communiste japonais, Nihon Kyosan To. 1927, Autriche. Suite à la relaxation des assassins de Schattendorf, les ouvriers du bâtiment et les centrales électriques de Vienne se mettent en grève de bon matin. À 8 heures, d'autres catégories de travailleurs se joignent à eux. Des affrontements ont lieu avec la police. Les milices ouvrières tentent en vain d'intervenir. 1933, Allemagne, après la prise du pouvoir par Hitler, une loi permet à l'État de réunir les branches d'une industrie donnée dans un cartel obligatoire. Tiens, c'est une idée ça. Pétain reprendra cette idée là, 7 ans plus tard. 1959, USA. Ah oui, les corporations. Ah, les valeurs, les corporations. 1959, USA, début de la grève de l'acier. 1893, France. Un décret fait bénéficier d'une dérogation permanente de la loi de 1892 les distilleries de betteraves, les fabriques d'objets de fer, les usines d'extraction d'huile, les papeteries, les raffineries de sucre, les verreries. On peut y faire travailler de nuit des femmes majeures et les enfants de sexe masculin. Le 16 juillet 622, en Arabie, Mohammed, prophète de l'islam, réformateur dans un monde où les sociétés s'écroulent, s'enfuit de la Mecque à Médine, l'Égir, c'est-à-dire l'ère des musulmans, commence. 1525, Allemagne, les paysans de la forêt noire, unis à ceux de Hegau, sont battus par Georg de Grunsberg à la montée de Hissing. 1639, France, révolte des Vanupiers. Une armée de la souffrance de plusieurs milliers d'hommes se lève en Normandie autour d'Avranches. Le mouvement gagnera la région côtière et le bocage jusqu'à Domfront. Les agents du fisc se font attaquer. 1917, Russie. Manifestation spontanée et pacifique des ouvriers, soldats et marins à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes. Il demande que tout pouvoir soit remis aux soviets, c'est-à-dire au conseil d'ouvriers et de soldats. Les manifestants sont attaqués par les Junkers, c'est-à-dire les élèves officiers. C'est un mot allemand, hein, utilisé en Russie. Bon, pourquoi utiliser un mot allemand dans l'armée russe? Bon, c'était le tsar, c'était l'Empire. Hein. 400 personnes sont tuées ou blessées. C'est la dernière tentative des masses révolutionnaires pour résoudre de façon pacifique la question du pouvoir. Résoudre de façon pacifique la question du pouvoir. La violence, elle est toujours du même côté, vous avez remarqué. 1927, Autriche. Le combat commence, la veille continue. La révolte des ouvriers de Vienne contre la justice de classe est noyée dans le sang par la police et quelques unités de l'armée. On compte 85 tués, 281 blessés et quelques centaines d'arrestations. La violence est toujours du même côté. 1937, France, 10e anniversaire de la JOC française, Jeunesse ouvrière chrétienne. Un congrès rassemble 40 000 jeunes travailleurs et jeunes travailleuses à Paris. C'est l'apothéose de la JOC d'avant-guerre sur le thème « L'avenir familial des jeunes ». Avenir familial des jeunes. Bon. 1942, France. Tiens, 1937-1942. Bon. France, à 4 heures du matin, début de la grande rafle du Veldiv, vélodrome d'hiver. Les 16 et 17 juillet, des policiers et gendarmes français, arrêtent 12 884 juifs étrangers ou apatrides résidant à Paris. 3031 hommes, 5802 femmes et 4051 enfants. Ils sont parqués au Vélodrome d'hiver, dans un stade, déjà. Les familles seront séparées et les prisonniers conduits dans des camps d'extermination nazis. Quelques dizaines reviendront pour témoigner de ce qui s'est passé. Aucun enfant n'a survécu. Quand on voit qu'il y a des gens qui pensent encore, enfin penser c'est beaucoup dire, c'est un terme, c'est exagéré, penser à l'extrême droite et qui agissent et qui votent à l'extrême droite, là il y a de quoi ne pas comprendre. Hein. C'est vraiment, c'est rebutant, rebutant. Vous entendez ça? Rebutant. Quand on sait ce qui s'est passé dans les années 40 avec l'extrême droite, hein, bon, c'est honteux de voter à l'extrême droite. 1945, USA. Première explosion test de la bombe atomique sur le terrain d'essai Jordana del Muerto, voyage de la mort près de la ville d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire aux USA, hein, on l'a dit. 1965, ONU. Un rapport du Conseil économique et social de l'ONU révèle qu'il y a encore 250 000 personnes vivant en état d'esclavage dans le monde en 1965. 250 000 personnes encore en état d'esclavage dans le monde. 1971, France, loi sur la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente, la fameuse loi du 16 juillet 71. Elle avait quelques aspects positifs, mais pas que. 1981, Afrique du Sud, à Nyanga, près du Cap, la police, avec des chiens et des gaz lacrymogènes, disperse environ 800 personnes, surtout des enfants et des femmes, de leurs taudis en plastique et en bois. Quelle honte. 1983, Autriche, à Vienne. Les policiers qui ont fait ça, ils ont déshonoré leur uniforme. 1983, Autriche, à Vienne. 6000 participants au Congrès mondial de la psychiatrie disent non au détournement de la psychiatrie à des fins politiques et répressives. 1983, Suisse, à Genève, cri d'alarme de l'UNICEF. Chaque jour, 40 000 enfants meurent victimes de la pauvreté et du sous-développement. Vous entendez ça en 1983 en Suisse. À Genève, cri d'alarme de l'UNICEF. Chaque jour, 40 000 enfants meurent victimes de la pauvreté et du sous-développement. Une petite revue de presse comme ça, vite fait. Bon, juste les titres et puis le paragraphe d'introduction, disons. Hein ? Eh bien, le général Humbert est passé à la postérité. Eh oui. À Saint-Nabord, en présence d'une délégation irlandaise, le 250e anniversaire de la naissance du général Humbert a donné lieu dimanche à une série de festivités sur les lieux mêmes où le célèbre militaire a vu le jour. Eh oui, à cette époque-là, pas besoin de faire de très longues études pour devenir général et même maréchal. Comme disait le petit caporal, vous avez votre bâton de maréchal dans la giberne, dans la poche de votre giberne. Hein. Eh oui, bah oui. Il suffisait de se battre, de faire la guerre. Suffisait, entre guillemets, suffisait. Hein. Ah oui, mais bah, attendez, il ne faut pas prendre tout ce que je raconte au premier degré, voyons. Ah bah, on est une radio libre, on a le droit de plaisanter un petit peu quand même. L'eau doit bénéficier à la population. Dompère, environnement. C'était le vendredi 29 juin 2018. Le collectif Eau 88 vient de tenir, c'est 88 comme le département des Vosges, vient de tenir sa troisième réunion publique dans l'Ouest vosgien. Objectif, informer la population à propos du déficit de la nappe GTI, les grès du Trias inférieur, provoqué principalement par l'activité des industriels. Et oui, parce que c'est une nappe qui, contrairement aux autres nappes phréatiques, ne se reconstitue pas. C'est une nappe fossile, on peut dire, et le fait d'épuiser cette nappe-là, bah, c'est quelque chose de très gênant. Voilà, surtout quand il s'agit de faire du fric, surtout quand il s'agit pour ces messieurs de Nestlé de faire beaucoup, beaucoup d'argent, comme ils font partout où ils sont, au détriment du contribuable local, du consommateur, etc. Ces patrons d'entreprise au chômage, tiens. En 2017, 3586 chefs d'entreprise du Grand Est ont perdu leur emploi à la suite de la liquidation judiciaire de leur affaire. Des chiffres qui s'inscrivent dans une tendance à la baisse. Ils ne peuvent prétendre aux allocations chômage, il faudrait lire l'article complet bien sûr, sauf à avoir souscrit une assurance perte d'emploi facultative, ce que font une minorité de chefs d'entreprise. Alors on pourrait dire, ce n'est pas juste que les chefs d'entreprise ne bénéficient pas du chômage. Eh oui, bien sûr, mais est-ce qu'ils ont cotisé ? Ah oui, les salariés cotisent, eux. Ah oui ? Ben oui, les salariés cotisent, au cas où. Voilà, les salariés, la sécurité sociale, retraite, chômage, etc. Ils payent des cotisations, les salariés. Ben oui, si les non-salariés, si les patrons veulent bien payer des cotisations, je ne sais pas, à la sécurité sociale ou à une assurance privée quelconque, ils pourront eux aussi bénéficier éventuellement de prestations. Concernant le chômage, par exemple. Le président Macron est attendu au tournant social. C'était le lundi 9 juillet 2018. Oh, maintenant que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde, il n'a plus rien à craindre, le président Macron. Bah, les gens, ils ont tout oublié. Tout oublié, provisoirement. La mémoire va leur revenir d'ici le mois de septembre. Et là, le président Macron, il entendra des choses pas bien sympathiques à son propos. Oh, ça, les gens, ils vont réaliser ce qui s'est passé. Bah oui, il y avait combien, 1 million de personnes là sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards pour fêter les joueurs de foot. Eh ben, il y en aura autant pour manifester contre les mesures de Macron, les mesures antisociales. Alors, tiens, ben, le social, puisqu'on en parle. Dimanche 8 juillet 2018, Vosges Matin toujours, hein, une nouvelle étape sociale. Le gouvernement se dit prêt à établir un agenda social concerté. Agenda social concerté. Retenons bien tout ça. Avec les syndicats, après une première étape de mise en œuvre des réformes du candidat Macron. Édouard Philippe était grave hier aux rencontres d'Aix. Il était grave, mais il avait commis une mimique qui laissait supposer qu'il n'était pas si grave que ça, quoi. Bon, il donne toujours l'impression, comme Macron, de se moquer de nous. Hein, oui, pas seulement dans les actes, mais dans les attitudes aussi, les mimiques. Jeune tué à Nantes, le CRS change sa version des faits. Le CRS, auteur du tir mortel lors d'un conducteur tentant de fuir... Je lis comme ça écrit, hein. Tentant de fuir un contrôle, reconnaît avoir menti lors de sa première audition. Il aurait tiré par accident, et non plus par légitime défense, par accident. Le parquet a requis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Un tiré en légitime défense ou par accident ? Le policier qui a tué un jeune mardi soir lors d'un contrôle de police à Nantes contredit la première version livrée avec ses collègues entendus au soir des faits. Voilà, alors une déclaration qui n'était pas conforme à la vérité. Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est ce qu'a retenu le juge. La guerre commerciale est déclarée. Taxe Chine, États-Unis. Les droits de douane punitifs voulus par Donald Trump frappe depuis hier plusieurs centaines de produits chinois. Décidé à rendre coup pour coup, Pékin a immédiatement contre-attaqué. Alors si vous avez la télévision par câble, par le net, vous faites le numéro 920, enfin je ne sais pas, bon, SFR c'est 920, et vous avez une chaîne chinoise en français, eh bien vous seriez étonné de la différence de ton, de contenu, de professionnalisme des journalistes chinois qui font les informations durent beaucoup plus longtemps que chez nous, et puis on étudie les choses beaucoup plus en détail, c'est pas une minute par sujet à toute vitesse où on saute d'un sujet intéressant à un sujet pas intéressant du tout de manière à noyer le poisson. Non, là on prend un sujet et on décortique, on analyse calmement, posément. Ah oui, ça vaut le coup cette chaîne-là. Numéro 920. Hein, SFR. Des croix gammées au fort de Queuleux. Après l'exposition sur les couples en centre-ville, c'est le fort de Mesqueleux qui fait l'objet des dégradations. Des croix gammées et inscriptions sataniques venues souiller un lieu de mémoire. Voilà, vous voyez, 70 ans après, ça recommence. Ah oui, le nazisme qu'on croyait vaincu définitivement, le fascisme qu'on croyait jeté aux oubliettes définitivement, eh bien non, il aurait tendance à revenir par la porte de derrière, par la fenêtre, par la cheminée, et puis voilà. Et un jour, on s'aperçoit qu'il est là, trop tard. Ah oui, 40% des Français ont voté pour ces gens-là il n'y a pas longtemps, hein, rappelez-vous. Et avec la politique que fait Macron et la politique qu'ont fait Hollande et les autres pendant des années, eh bien un jour, ces gens-là peuvent très bien arriver au pouvoir par les élections. Hein, n'oublions pas, 6 millions de chômeurs en France en 2018, 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. 1932, Hitler a fait un score de, je ne sais pas, aux environs de 20% peut-être, même pas. Hein. Donc les gens de droite modérée et les gens de gauche étaient rassurés. Ils disaient, oh bah oui, les gens qui ont voté pour ce type-là, eh bien c'était un vote, ils ont donné un coup de pied à la fourmilière pour montrer leur mécontentement. Mais ce n'est pas un vote d'adhésion. Eh oui, mais en 1933, il a été le premier parti d'Allemagne, par conséquent, le chef de l'État, le maréchal Hindenburg, a été obligé de l'appeler, ben oui, c'était la loi, de l'appeler au pouvoir. 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, et une deuxième guerre mondiale, 70 millions de morts. Décision aujourd'hui sur le pourvoi de Muriel Boll. Ah oui, un rebondissement, mercredi 4 juillet 2018. Alors on a entendu parler depuis, non, c'est fini, on n'entend plus parler. Mais on entendra parler de nouveau sans doute un jour ou l'autre. Le transfert d'eau est dans les tuyaux. La commission locale de l'eau, dont on a parlé tout à l'heure, a retenu deux scénarios pour compenser le déficit en eau de la nappe vitelloise. Des canalisations devraient être installées pour aller capter cette eau dans les communes voisines, aux grandes dames des associations environnementales. Oui, ça ne résout pas du tout le problème. Hein, voilà. Et puis bon, il y a des consommateurs allemands notamment qui ne sont pas contents de la façon dont est présentée l'eau de Vittel, grande source. Hein. Oui, c'est pas présenté comme une eau minérale, mais c'est présenté comme une eau de source. Alors que bon, il y a des histoires de traitement, etc. Oui, c'est compliqué, hein, mais c'est compliqué, mais ça rapporte des sous. Hein, eh oui, Nestlé, c'est la plus grande boîte dans le monde de production concernant la nourriture. Hein. Si ces gens-là décidaient un jour d'affamer tel ou tel pays dans le monde, hein, pendant 15 jours par exemple, hein, à titre de représailles, parce que les électeurs de cet État-là auraient mal voté, on aurait décidé de mettre ces gens-là au piqué, pour une raison ou pour une autre, eh bien, ils pourraient, eux, en représailles, condamner à la famine telle ou telle population. Ils en ont les moyens. Les justifications qui ne passent pas. Emmanuel Macron est revenu sur la politique la polémique des dépenses décidées dernièrement par l'Élysée. Il a justifié ses choix par le voyage sur le voyage en Falcon, sur le remplacement de la vaisselle, sur l'installation, oui, 400 millions de, bon, sur l'installation d'une piscine au fort de Brégançon. Il se dit droit dans ses bottes, droit dans ses bottes. Ah oui. Pourquoi il met des bottes, lui, lance avec humour Michel Sichler. Il a vraiment réponse à tout, dit Laura GRN. Mais pas terrible les justifications. Il est déconnecté de la réalité. Eh oui, eh oui. Il n'a jamais gagné le SMIC, même pendant un mois. Il ne sait pas ce que c'est. Hein, voilà. Grande-Bretagne, un logiciel de diagnostic médical fait débat. Alors, on reparlera sans doute de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous a fait comprendre, on nous a même dit que depuis quelque temps, on avait un petit peu diminué le recrutement de médecins, la formation de médecins. Alors on se demande pourquoi, puisque la population continuait à augmenter, pourquoi est-ce qu'on diminuerait le nombre de médecins? Eh bien, moi, cette histoire-là, ça me rappelle une autre histoire, l'histoire du pilotage des avions de ligne. Et à un moment donné, les avions de ligne, Air France, les pilotes se mettaient souvent en grève et on ne comprenait pas bien pourquoi. Pourquoi ces gens-là, qui sont quand même relativement bien payés, qui font quand même pas trop d'heures, qui ont des postes à responsabilité, c'est pas facile, bien sûr, encore bien, faisaient grève? Eh bien, c'était parce que on leur faisait faire beaucoup, beaucoup d'heures. On leur faisait faire des heures supplémentaires, et puis on les obligeait, et puis voilà. Et puis, ils n'étaient pas contents, ils estimaient qu'on mettait leur santé en danger, leur vie et celle de leurs passagers également en danger, et on ne comprenait pas pourquoi. Et tout à coup, on a compris, les pilotes, les personnels navigants, les passagers et les autres ont compris pourquoi il n'y avait pas assez d'effectifs de pilotes. Pourquoi on ne formait plus assez de pilotes? Eh bien, parce que quand la série des A300 des Airbus est arrivée, eh bien, on s'est aperçu que l'Airbus se pilotait non plus à trois, un pilote, un copilote, un navigateur, il n'y avait plus qu'un pilote et un copilote. Le navigateur était remplacé par un ordinateur de bord. Ah, donc, transfert de personnel, hop, et voilà. Alors peut-être qu'on est en train d'essayer de nous fourguer une forme de médecine à distance, par ordinateur, etc. Peut-être pas le diagnostic complet sera fait par l'ordinateur, mais une partie du diagnostic, hein, par exemple un entretien préalable avec un questionnaire, vous cochez des cases, etc. Et suivant vos réponses, l'ordinateur vous dit, ben voilà, il faut consulter d'urgence un médecin parce que votre cas est grave, ou vous pouvez laisser passer, ça n'a pas d'importance, etc. Voilà. Et comme ça, évidemment, les assurés sociaux, l'État, qui sait, les contribuables, feraient des économies. Hein, oui, on économiserait des... voilà. Et c'est peut-être ça. Supposition, hein. Voilà, simple supposition. Et on commence avec notre thème du jour. Les centrales nucléaires sont-elles sûres? Les députés de la commission d'enquête ont rendu leur copie hier. Ils émettent certains doutes, des réserves contestées par certains membres de ce même groupe de travail. Le point avec François Goulin. Le rapport ne révèle rien de nouveau, mais il pointe les failles de sécurité et de sûreté de l'industrie nucléaire. La rapporteure Barbara Pompili souligne notamment la sous-traitance dans les centrales du pays, ces entreprises privées qui exécutent 80% des tâches dans le secteur. elle entraîne, comme elle est massive, une perte de compétences des salariés, des électriciens eux-mêmes, qui du coup se retrouvent plutôt à devenir des contrôleurs plutôt que des faiseurs. Et cette perte de compétences, elle est dangereuse parce que du coup, on n'a plus au sein même des électriciens tout ce qui permet d'assurer une sûreté et une sécurité optimale. Autre menace que relève le rapport, le risque terroriste. Les députés soulignent que les centrales nucléaires françaises ne sont pas conçues pour résister à une attaque terroriste, ce que dénoncent depuis des mois les ONG comme Greenpeace. Les murs de ces bâtiments ne sont pas assez épais, ne résisteraient pas à une chute d'avion ou une agression par une arme, et il faut les renforcer. Nous avons publié un rapport sur le sujet il y a 10 mois. Nous avons montré par 3 actions différentes depuis octobre et encore il y a 2 jours à quel point ces bâtiments sont accessibles, sont vulnérables et bien sûr qu'il faut les renforcer immédiatement. Les députés Les Républicains de la commission d'enquête jugent, eux, que le rapport est partiel et qu'il n'a plus rien à voir avec son objectif initial. On a un rapport qui va s'intéresser de façon générale à la filière nucléaire, à l'activité nucléaire, au principe même de la production d'énergie nucléaire en France, et qui du coup décrédibilise un petit peu le travail sur les questions de sûreté et de sécurité à proprement parler, puisqu'il tend à faire de ce rapport finalement une charge contre le rôle, le poids et l'influence du nucléaire dans le système énergétique français. Mais de nombreuses interrogations demeurent, et surtout concernant la menace terroriste. Le secret défense a empêché les députés d'avoir accès à toutes les informations, par exemple sur la résistance des murs des centrales à une attaque d'explosifs. Le rapport demande donc la levée du secret défense et que l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme des centrales, puisse contrôler la sécurité des sites avec davantage de moyens. Alors on l'a vu dans ce reportage, les conclusions du rapport sont contestées. Vous avez signé, vous les acceptez. Moi j'ai voté ce rapport, effectivement. Après j'ai complété avec une contribution qui dit que, au vu des recommandations du rapport auquel moi je souscris sur les failles de sûreté et de sécurité, eh ben si on prenait l'énergie nucléaire comme une énergie normale et pas comme une énergie exceptionnelle, parce que dans notre pays on est quand même le pays le plus nucléarisé au monde en termes de nombre d'habitants, eh ben si on le prenait comme une énergie normale et pas comme un dogme qui a été construit dans les années 70, eh ben on arrêterait cette énergie puisqu'elle devient trop chère et trop peu sûre aussi. Alors on reviendra sur ces propositions, sur le fait que certains contestent l'impartialité de Barbara Pompili, qui est à la fois présidente de la commission du développement durable et rapporteure de ce rapport. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues républicains qui disent mais elle est anti-nucléaire donc elle est biaisée? Alors moi je suis pas d'accord parce que donc je trouve que le rapport qui a été fait justement est extrêmement construit, sérieux. Tous les verbatims sont exacts, correspondent à ce qui a été vu dans les auditions, dans les visites. Et je trouve que l'intérêt de ce rapport, au début du sujet, vous disiez rien de nouveau n'est apparu. Mais l'intérêt de ce rapport, c'est que pour la première fois, toutes les parties ont été entendues et que ça soit aussi les antinucléaires, mais aussi toutes les institutions, etc., qui s'occupent de ces installations nucléaires et qui arrivent à un travail sérieux et où, pour une fois, on n'a pas complètement écarté les thèses, notamment de grands chercheurs, de chercheurs sérieux, qui disent qu'il y a un problème avec le stockage de déchets en profondeur, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un travail, justement, qui a essayé de faire la part des choses, qui est resté sur des faits et qui pointe des problèmes qui sont pointés depuis longtemps par des lanceurs d'alerte comme Greenpeace, qu'on a vu, mais par d'autres aussi, et qui sont à prendre au sérieux. Il faut arrêter de se cacher les yeux et les oreilles et regarder la situation en face pour pouvoir agir. Un des problèmes qui est pointé dans le rapport, c'est le recours massif à la sous-traitance. Vous, c'est le constat que vous avez fait au cours des auditions. Ça vous a choqué de voir que 80% parfois des salariés, c'est des sous-traitants en fait? Alors moi, ça m'a pas choqué, mais en fait, je suis très très contente que ça soit dans le rapport et qu'on ait poussé dessus, parce que moi, j'ai énormément poussé sur cette question, notamment parce que j'avais été soutenir des sous-traitants qui étaient en grève, alors pas dans une centrale nucléaire, mais dans une installation nucléaire qui assemble du combustible usé à Romans-sur-Isère, donc qui ont fait 70 jours de grève, et où notamment les sous-traitants nous racontaient que, contrairement aux autres salariés qui avaient le statut EDF, Orano, etc., eux n'avaient pas les mêmes nombres de visites médicales, ils dépendent tous d'une convention collective différente et surtout ils ont des cadences qui sont mises sur leur travail qui est extrêmement forte et qui rejoint ce qui se passe dans le monde du travail en général mais qui est très dangereux dans le nucléaire et qui crée bien sûr des problèmes avec une banalisation des normes qu'ils dénoncent. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup porté dans la commission d'enquête et que je suis contente qu'il apparaisse dedans. Pourquoi ça augmente les risques selon vous? Parce que les sous-traitants font aussi bien leur travail. Alors, sur plusieurs choses. Si je reprends le cas de Romans-sur-Isère, au départ, quand ils ont été embauchés, ils faisaient 35 heures par semaine. On a refusé d'embaucher des gens, etc. Donc à la fin, ils faisaient 48 heures par semaine. 48 heures par semaine en étant la dernière barrière de sécurité, puisqu'ils ont, on a fait appel à une entreprise sous-traitante suite à des accidents qui avaient eu lieu dans l'installation nucléaire. Donc, en fait, on met une cadence extrêmement forte. C'est notamment pour ça, et c'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête, qu'il y a eu la chute du générateur de vapeur à Paluel, qui aurait pu amener un accident extrêmement fort. Donc on met une cadence très forte sur ces personnes-là. Il faut s'intéresser aussi au suivi médical, à la manière dont sont traités les gens, parce que le facteur humain est la première cause d'accident possible. Et donc si on a des gens qui sont complètement épuisés, qui ne sont pas bien reconnus dans leur métier, qui ne sont pas forcément bien formés, etc., et ben ça peut poser des soucis. Et on a vu récemment les drames humains sur lesquels ça peut arriver, mais du coup qui pourraient avoir des effets sur l'ensemble de la population, avec notamment une personne sous-traitante qui a été retrouvée morte dans sa voiture parce qu'elle dormait dans sa voiture, et une autre qui est restée 3 jours dans une centrale qu'on a retrouvée complètement déshydratée, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de dire qu'il y a encore quelqu'un dans la centrale. Enfin, c'est vraiment des failles qui sont incroyables et qui, pour les hommes et les femmes qui travaillent dedans, sont une absence de reconnaissance sur ce qu'ils font qui est très forte. Et que vous répondent justement les géants du nucléaire sur ce point? Pourquoi ont-ils recours à ce point-là, la sous-traitance, juste pour des questions de coûts? Oui, c'est très clair. Et c'est pour ça que dans les choses qui ont été proposées, c'est des choses qu'on porte depuis longtemps à la France Insoumise, sont un statut plancher pour les sous-traitants, qui amènerait que lorsqu'on choisit le sous-traitant, on le choisit pour la compétence et non pas pour baisser constamment les coûts, en fait. Et parce que, en fait, ce qu'amène ce rapport, c'est des préconisations sur des failles qui ont été avérées, et je pense que d'ailleurs qu'il y en a d'autres, sur la sûreté et la sécurité des installations. Et en fait, si on voulait mettre effectivement au niveau de sûreté et de sécurité qui est nécessaire pour protéger les Français et les Françaises, en fait, il faut mettre un argent incroyable. On sait qu'on va déjà mettre 100 milliards dans le grand carénage. On sait, donc, pour rafistoler les centrales, pour qu'elles puissent durer plus longtemps, puisqu'au départ, il faut rappeler que les centrales, elles ont été créées pour 30 ans et que là, on parle de les prolonger jusqu'à 50 à 60 ans. On sait qu'on met de l'argent de plus en plus pour traiter les déchets et avec l'idée de faire la poubelle nucléaire à Bure qui pose des gros soucis aussi, et c'est ce que pointe site d'enfouissement de déchets nucléaires, et c'est ce que pointe le rapport aussi, que les autres alternatives n'ont pas été assez étudiées. Et en fait, si on doit mettre ça à niveau, ce qui est normal et ce qui doit être fait, on se rend compte que c'est un gouffre sans fin et que c'est autant d'argent qui n'est pas mis dans les énergies renouvelables et sur lequel il faut absolument agir maintenant. On va s'intéresser d'ailleurs au travail de cette commission d'enquête, puisqu'il y a quelques semaines, une de nos équipes ont pu suivre un déplacement de cette commission dans une des 19 centrales françaises, celle du Tricastin, près d'Avignon. Regardez ce reportage de Nathalie Guilloire avec François Goulin. Si on regarde la protection du site, ouais, vous avez une première barrière qui va faire l'ensemble du site. Vérifier la sûreté mais aussi la sécurité du site, c'est l'objectif de cette commission d'enquête en déplacement à Tricastin. Car aujourd'hui, les centrales nucléaires font l'objet de nouvelles menaces, comme les risques d'intrusion, des attaques de personnes ou bien des drones pouvant survoler le site. Alors face aux parlementaires, le directeur de la centrale nucléaire de Tricastin tente de rassurer. J'ai vu qu'on a à minima nos forces de gendarmerie qui sont à quelques dizaines de mètres. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de détection et d'intervention qui est très rapide. Pour Barbara Pompili, à l'initiative de cette commission d'enquête, il est important de prendre en compte ces deux paramètres. On se rend bien compte qu'à un moment, la robustesse d'un réacteur, d'une piscine, d'une centrale en général, ou même dans les transports, ça peut être mis à l'épreuve par des séismes. Ça peut être mis à l'épreuve par des inondations, par le changement climatique, je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus, mais aussi par des actes malveillants. Et donc, vouloir séparer les deux, pour nous, ça n'a pas trop de sens. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier si nos concitoyens et les gens qui travaillent dans les centrales sont en sécurité, quel que soit le risque auquel ils sont confrontés. Donc, évidemment, on regarde les deux. Des contrôles ont lieu régulièrement sur ce site. Ici, 4 réacteurs de la centrale ont dû être mis à l'arrêt fin septembre 2017 durant 2 mois. En raison des risques d'inondation du site en cas de séisme d'une ampleur exceptionnelle. Malgré ces précautions, le risque zéro n'existe pas selon les députés. En même temps, on voit quand même que personne n'a envie de prendre des risques sur une industrie qui est stratégique pour ce pays, qu'on a affaire quand même à des gens responsables, que des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, on creuse. Voilà. Mais après, le risque zéro n'existe pas et il n'existera jamais. Et il n'existe d'ailleurs dans aucune activité humaine. Le vieillissement des centrales nucléaires est également une des données qui inquiètent les parlementaires. Ici à Tricastin, un des réacteurs dépassera les 40 ans en 2019. Alors on a vu un travail sur le terrain avec des visites, des auditions notamment. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu accès à tout ce que vous vouliez ? Absolument pas. Et on voit bien que là, c'est le problème qui entoure le nucléaire en général, qui est un problème démocratique extrêmement fort. Il y a un secret autour du nucléaire. En plus, et c'est ce qu'on voit là avec le gouvernement actuel, une répression extrêmement forte lorsque des militants, des citoyens essayent d'avoir accès à l'information. Or, on aurait pu espérer qu'en étant des parlementaires qui demandions des documents sur des choses, on aurait pu avoir accès à des documents qui étaient importants pour nous, pour savoir les choses. Parce que dans le nucléaire, on vous dit toujours, ne vous en occupez pas, tout va bien et on continue comme ça. Ben non, à un moment, on reprend les choses, on ne fait pas confiance comme ça, on revérifie tout. Et notamment sur des documents qu'on avait demandé de plan, sur les tests qui auraient été faits sur des murs pour voir s'ils résistaient, on n'a jamais vu la couleur. C'est-à-dire, on nous a dit, des tests ont été faits, mais on n'a jamais pu voir les tests. On n'a jamais pu voir les plans sur l'épaisseur des murs. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on n'a jamais eu accès. Et je pense que ça pose un vrai problème démocratique qu'on n'ait pas accès à ces informations-là. Est-ce que vous comprenez quand même que ce sont des documents, j'imagine, qui ne peuvent pas se balader partout. C'est des documents très sensibles, classés parfois secret défense. C'est peut-être normal aussi, il y a un risque de fuite si on les transmet par exemple à des députés ? Alors non, moi je pense que vous faites ce qu'on fait régulièrement, vous mettez un rapport à disposition qui est consultable uniquement sur place, sans prendre de photos pour s'assurer que le document ne fuite pas, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une représentation nationale qui vote des lois, qui doit faire la loi et qui n'est pas au courant de certaines choses. C'est juste pas possible. Et je tiens à dire quand même qu'une des choses que ce rapport montre, c'est quand même que des militants comme Greenpeace, qui ont d'ailleurs remontré encore il y a quelques jours, que on pouvait avec un drone qui a survolé une centrale près de Lyon, qui avait aussi des failles de sécurité de ce côté-là, des militants comme Greenpeace, des citoyens qui luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, eh ben c'est des citoyens de raison, d'argument, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce rapport-là. Et donc qu'il faut arrêter de criminaliser ces gens-là et au contraire de poser les arguments sur la table et d'en discuter. Alors vous dites la solution à tout ça après ce rapport, la conclusion logique, ce serait l'arrêt du nucléaire. Le nucléaire emploie environ 200 000 personnes en France. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là ? Ça fait vivre des villes entières, des emplois directs, indirects parfois ? Alors, la première chose qui est très importante, c'est qu'on a souvent opposé justement sortie du nucléaire. Donc nous, déjà, on n'est pas pour sortir du jour au lendemain. Nous, l'idée, c'est de dire... Il faut qu'on prenne une décision de sortie maintenant et la planifier, mais ça va prendre du temps. C'est juste que là... C'est à quelle échéance, selon vous ? Parce que là, on a dit déjà normalement 50% en 2025, même s'il y a des doutes sur cet objectif. Il faudrait sortir quand ? Dans 25 ans ? On disait 2050. 2050, sachant que Nicolas Hulot est en train de prendre un retard absolument fou en disant ce n'est pas possible mais en ne proposant rien derrière. Vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas de calendrier de fermeture du réacteur, ce qui est quand même extrêmement problématique. Et donc sur les salariés, on ne sortira pas du nucléaire sans les salariés. On sortira du nucléaire avec les salariés. Et quand je vous dis 2050 pour sortir, il y a derrière, ça veut dire que tous les réacteurs sont à l'arrêt en 2050. On planifie au fur et à mesure. Et de toute façon, derrière, il y a le démantèlement. Il y a besoin de gens qui connaissent les centrales. Et on sait que la transition énergétique et le fait d'investir dans les énergies renouvelables, à la fois dans la recherche, dans la formation, etc., ça créera entre 300 000 et 900 000 emplois selon l'ADEME. Donc ça sera créateur d'emplois extrêmement fort. Donc il y a largement de quoi occuper les travailleurs du nucléaire qui doivent... Parce qu'il y a beaucoup de réticences là-dessus. À Fessenheim, par exemple, le maire dit « mais moi, dans ma population, j'ai... Une sur deux personnes qui vit dans ma ville, soit elle travaille dans la centrale, soit elle vit avec quelqu'un qui y travaille. » Oui, mais tout à fait. Mais si c'est une sortie, si la sortie n'est pas accompagnée d'accompagnement pour les salariés, effectivement, ça pose souci. Mais on a déjà arrêté des centrales à charbon, on a déjà arrêté les mines, etc. Donc on est capable... Sans forcément souci à l'époque. Oui, alors à l'époque, des gens qui restaient, ça c'est pas souci. Mais allez, on est capable aujourd'hui de dire à des travailleurs qui travaillent dans le nucléaire, de dire, un, nous allons assurer vos conditions de travail jusqu'à la fin du nucléaire, donc des conditions de travail dignes, décentes, et qui assurent votre sécurité et la sécurité de la population. Et on est capable, par exemple, même si un réacteur s'arrête aujourd'hui, il y a du travail jusqu'à même les 90 ans des travailleurs d'aujourd'hui. Hein. C'est évident. Donc on a besoin de ces compétences-là. Elles sont extrêmement importantes. Je comprends que ça entraîne des réticences. Mais aujourd'hui, l'énergie nucléaire hypothèque notre avenir.

Pour les auteurs du livre, pas de doute, à Lons-le-Saunier, le meneur de 68, c'est l'actuel leader de la France insoumise. S'il est vrai que l'OCI n'était pas du côté des manifestants en mai 68, Jean-Luc Mélenchon ne rejoindra ce mouvement qu'en 72, soit 4 ans plus tard. Merci à Réva, Tepro et à Expo pour que ce bel hiver soit un peu plus nucléaire. Merci McDonald's, Nestlé et Danone pour toutes ces bonnes choses qu'on a mangées cette année. C'était vraiment délicieux, on s'est régalé. Merci Monsanto, Givaudan et Firmenich pour mettre tant de magie et de chimie dans nos vies. Merci Novartis, Roche et Bayer pour toutes ces bonnes drogues et ces bons médicaments qui nous procurent bonne humeur et bonne santé. Merci à Exxon, BP, Shell et Total pour ce climat fantastique, ce pétrole et ce plastique. Merci à Liberton, Suez et Gazprom pour tous ces jolis trous un petit peu partout, pour cette eau délicieuse et rafraîchissante. Merci à la Russie, aux USA, à l'Europe de vendre des jouets par milliers aux enfants. Merci à Goldman Sachs, UBS et leurs amis qui veillent si gentiment à nos intérêts. Grâce à leur bon travail, tout va très bien. C'est Noël. Comment se débarrasser des déchets nucléaires pour toujours ? Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, soit l'équivalent de 4 tours Montparnasse. Heureusement, 90% de ces déchets cesseront d'être radioactifs en l'espace de quelques siècles. Mais les 10% restants, eux, vont rester radioactifs pendant très longtemps, parfois plus de 100 000 ans. Ce qui pose un énorme problème auquel, pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Du coup, il y a toujours un débat animé sur la question. Il y a par exemple ceux qui proposent d'envoyer ces déchets dans le soleil, ce qui a priori est plutôt une bonne idée, parce que le soleil a deux caractéristiques intéressantes. 1. Il est super loin. Et 2. Il brûle absolument tout ce qu'on met dedans. Le problème, c'est que pour envoyer des choses dans le soleil, il faut une fusée. Or, les fusées, parfois... Du coup, remplir une fusée avec des choses radioactives, c'est vraiment très dangereux. On peut aussi envoyer les déchets au fond des océans. Et c'est exactement ce qu'ont fait certains pays pendant des dizaines d'années. Avant de se rendre compte que c'était aussi un peu dangereux et donc d'interdire la pratique. Et puis, il y a la Finlande. Là-bas, la solution qu'ils ont trouvée s'appelle Onkalo, c'est-à-dire la caverne. Et cette solution consiste à creuser jusqu'à 500 mètres sous la terre, d'y enterrer les boîtes contenant les déchets dans un immense réseau de tunnels et de refermer le tout pour toujours. Enfin, pour au moins 100 000 ans. Mais Onkalo pose aussi quelques problèmes. D'abord, rien ne garantit que le sol restera stable pendant les milliers d'années à venir. Or, si le sol bouge, la radioactivité pourrait se diffuser jusqu'en surface. Et puis, il y a un autre problème. Comment expliquer aux humains de l'an 100 000 que des choses dangereuses sont enterrées à cet endroit ? Autrement dit, comment transmettre un message compréhensible pendant 100 000 ans, sachant qu'il y a 10 000 ans, l'humanité ne savait même pas écrire ? Quels mots, quelles langues, quel type de dessin utiliser ? Ce sont exactement les questions que s'est posé le département de l'énergie américain en commandant ce rapport de 350 pages. Et la conclusion est en gros que, comme rien ne garantit que le langage restera le même, il faut que le paysage lui-même véhicule l'idée du danger. Le rapport propose ainsi des paysages d'épines, de pointes ou de blocs menaçants. À cela s'ajoutent des kiosques avec des dessins qui font peur, en s'inspirant par exemple de l'expressionnisme norvégien du 19e siècle. Mais même si le message est compris, pas sûr que cela suffise. Car l'homme est un être curieux dès qu'il s'agit de déterrer des choses. Les archéologues contemporains, par exemple, ne se sont jamais privés de violer la tranquillité des tombeaux antiques. Et on ne voit pas pourquoi cela changerait d'ici 100 000 ans. C'est pour cela qu'à la place d'un décor qui fait peur, certains évoquent une solution plus radicale encore, l'oubli. Aucune trace, rien, en espérant que personne ne creuse. Pour l'instant, la Finlande n'a pas décidé. Mais il lui reste pas mal de temps puisque Onkalo ne sera pas fermé avant la fin du 21e siècle. En attendant, la France aussi a un projet d'enfouissement de déchets longue durée à Bure, dans la Meuse. Son nom, Cigéo. Cigéo s'appuie sur un concept légèrement différent de Onkalo. L'État français a en effet décidé que pendant 100 ans, les déchets enfouis devaient pouvoir être récupérés au cas où d'ici là, on ait trouvé une meilleure solution. Et justement, de nombreux chercheurs travaillent aujourd'hui sur une solution qui serait effectivement meilleure, la transmutation. Un processus qui permet notamment de transformer les atomes qui sont radioactifs pendant longtemps en des atomes qui sont toujours radioactifs mais pendant moins longtemps. Et puis, il se pourrait qu'un jour, on puisse recycler certains déchets nucléaires. Je m'explique. Prenons une barre d'uranium utilisée dans les centrales nucléaires. Aujourd'hui, seuls 5% de cette barre produisent effectivement de l'énergie. Les 95% restants ne servent pas à grand-chose. Techniquement, dans l'état actuel des connaissances, ce sont donc en gros des déchets radioactifs. Pourtant, l'État français les appelle non pas déchets, mais, je cite, des matières valorisables. Car les chercheurs ont l'espoir d'arriver à réutiliser cet uranium dans des réacteurs de nouvelle génération pour produire de l'énergie. Malheureusement, ces technologies sont encore loin d'être opérationnelles. Et puis, de toute façon, elles continueront de produire des déchets de longue durée. Probablement un peu moins, mais un peu quand même. En attendant, selon l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'ici 2030, 3 nouvelles tours Montparnasse de déchets nucléaires seront produites en France. Vous êtes SDF ? Pire, je suis député à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, une pièce ou deux ? Vous êtes député, vous faites la manche ? Évidemment, je gagne que 5000 euros par mois, je suis bien obligé de me serrer la ceinture. Et là, ce gros dossier que vous allez déposer, c'est un projet de loi ? Ah non, non, c'est mes notes de frais. Pour l'année ? Ah non, non, non, pour cette semaine. Hein. Avec 5000 euros, vous n'avez pas l'impression d'être décroché de la réalité ? Ah non, je suis ric-rac. Ça m'empêche pas d'être proche des Français. Tout à l'heure, au feu rouge, j'étais à ça d'un Français. Alors là, vous êtes au Café Bourbon. Voilà, mais nous, on l'appelle le Café de la Poste. Hein. Pourquoi ? Ah, parce que c'est là qu'on reçoit toutes nos enveloppes. Non, mais le plus honnête là-dedans, c'est Rémi. Et Rémi, il est député de quoi ? Il n'est pas député, il est serveur. Mais c'est normal que les Français se posent des questions sur la corruption des députés, parce que là, le fait de ne pas avoir voté la loi qui interdisait l'utilisation du glyphosate, c'est quand même super bénéfique pour des grosses sociétés. Non, mais arrêtez. À quelle grosse société ça profite d'empoisonner des gens. Votre bouteille, madame. Finalement, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, là, toutes les manifs qu'ils organisent, ça ne sert à rien. Non. Mélenchon, il a fait comme Macron en français. C'est-à-dire ? Mais il les a fait marcher. C'est aussi dans cette Assemblée nationale que Jérôme Cahuzac, il a dit les yeux dans les yeux qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. C'est là qu'on se dit qu'il a quand même un petit problème de strabisme, hein ? Il est quand même passé devant le juge. Oui, il est passé, oui. Il s'est pas arrêté. Cahuzac, il va pas en prison alors qu'il a 2 ans ferme. Et il y a cette fameuse histoire du SDF qui a volé des pâtes et lui, il est allé en prison. Et ben ça lui fait un toit. Mais la justice américaine, c'est pas la même, puisque par exemple, Monsieur Weinstein, lui, il a dû se livrer lui-même à la police à New York. Mais c'est super qu'il se livre tout seul. Pourquoi ? Ah bah comme ça, on n'a pas à payer les frais de port. Monsieur Macron, le fait d'être président, ça lui permet quand même beaucoup de voyager. Par exemple, là, il vient de rencontrer Monsieur Poutine, qui a été élu d'ailleurs avec 77% des électeurs russes qui ont voté pour lui. Oui, les 23% seront enterrés jeudi. À ce propos, on parle de la mafia russe, ah mais il n'y a plus de mafia en France. Ah bah non, on l'a supprimée, sinon ça aurait fait doublon avec le gouvernement. Monsieur Macron, il a voyagé aux États-Unis, en Australie, en Russie, et d'ailleurs, il a pas mal été victime du décalage horaire. Parce qu'on a vu ces images là dans les bêtisiers où ils confondent la main de Brigitte avec celle d'un président africain. Bah c'est pas ça le pire hein. C'est quoi ? Bah le pire c'est qu'il s'en est aperçu que le lendemain matin. Il a dit qu'il assisterait au match de l'équipe de France qu'à partir du moment où il serait en quart de finale. Oui bah c'est normal, Manu il fait à l'équipe de France comme il fait aux Français. C'est-à-dire ? Bah il s'y intéresse qu'à partir d'un certain niveau. Vous allez suivre la Coupe du Monde ? Oui. Et nous les femmes on adore la Coupe du Monde. Ah oui ? Oh bah c'est super, moi ils me font rire les joueurs de foot. Vous avez vu, ils se prennent un coup dans la tête, ils se hurlent par terre en se donnant la jambe. Hein ? Pour une fois que c'est les hommes qui simulent. je vous présente le Sénat. C'est la maison de retraite des députés. On dit qu'on privilégiait pas les vieux, pardon, mais alors ici, vous en avez du vieux qui ont du pognon. En parlant des retraités, il y a ce fameux retraité là qui a fait un doigt d'honneur à Monsieur Macron. Lui, il risquait quand même 6 mois de prison ferme et 7 500 € d'amende. Mais ça, c'était quand même super lourd là comme menace de peine. Ils auraient pas pu lui donner un travail d'intérêt général. Oui, mais je crois qu'ils ont considéré que de faire un doigt d'honneur à Monsieur Macron était déjà un travail d'intérêt général. Là, je vois le dossier que vous avez dans les mains. C'est ce que vous avez reçu au bar tout à l'heure avec l'enveloppe. Oui, c'est une petite... En fait, c'est pour faire passer un bidule sur les OGM, pour produire plus, pour gagner un petit peu plus de thunes. Oui, mais c'est quand même pas très bon pour la santé, il me semble. Non. D'ailleurs, c'est devenu de plus en plus cher d'acheter de la nourriture saine. On a mis en place un petit système. On s'est rendu compte que mieux nourrir les gens, du coup, ils vivaient plus longtemps. Voilà. Donc, on a augmenté le prix de la nourriture saine. Comme ça, les pauvres crèvent plus vite. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Vous n'avez pas peur de la diffusion de ce reportage? C'est quand même des preuves flagrantes de corruption. De corruption. Pourquoi non? Mais regardez, Cahuzac, qui devait faire deux enfers, mais il n'a rien eu. Sarkozy, toutes les preuves qu'il y a contre lui, il n'a rien eu. Sans oublier les Balkany et toute la clique, là. Non, il va rien se passer, pourquoi? Les gens vont rien faire. Ah si. Vous marquez LOL à la fin de votre vidéo. Alors là, vous êtes en train de réfléchir à la réforme que vous allez faire passer? Ah, pas du tout. Non, j'étais en train de réfléchir à la bagnole que je vais m'acheter avec les thunes là, que je viens de récolter avec cette enveloppe. Tu peux avoir mon ballon, s'il vous plaît? Tiens. Pourquoi t'as éclaté ma planète? Eh ben parce que c'est pas la tienne. Pensez pas tout, j'ai une réforme à faire passer, moi. Bien, mes chers députés, aujourd'hui nous allons faire voter cette loi qui nous permet de nourrir abondamment nos concitoyens. Je suis désolée, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas empoisonner les gens qui me font manger. Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. Notre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous, on autorise la déforestation de l'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur huile de palme. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant malade. On renfloue des banques qui ne vous enrichiront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant à découvert. On vous fait peur en parlant d'insécurité, mais comment voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas ? Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser ? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopiste, de gauchiste, de conspirationniste. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la supprime, pour vous transformer en mouton. Quelle égalité nous reste-t-il ? Quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 € par mois, pendant que plus de 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900. Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas? Alors qu'on retire les moyens de soigner des infirmières, qu'on muselle dès qu'elles osent manifester? La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La seule devise qui nous reste en France, c'est l'euro. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Vous m'entendez? Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Mais il a raison. C'est Mendes qui va centrer ce ballon, second poteau, la tête de Pavard, de Fekir, le centre de Pavard. Bonjour, je suis Gérard Miller, je suis psychanalyste, réalisateur et cofondateur du Média. Alors, vous venez de le dire, vous êtes l'un des cofondateurs du Média et co-directeur de la publication. On a appris hier qu'un nouveau journaliste ancien du Figaro et symbole de l'ouverture avait quitté la rédaction. Après les précédents départs, est-ce que le Média peut encore être cet autre média pluraliste et dont la promesse était de donner une autre information ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un mois et demi d'existence et que, comme partout, lorsque les êtres humains se regroupent, il y en a qui sont heureux, d'autres qui le sont moins, il y a des arrivées, il y a des départs. Le Média, dans son projet, n'a pas bougé d'un iota. Évidemment, l'immense majorité de l'équipe est en place, journalistes compris bien sûr. Les sociaux sont maintenant plus de 18 000 à l'heure où je vous parle. Et le projet d'ouverture, c'est-à-dire de créer un média pluraliste, non seulement un média progressiste, féministe, antiraciste, contre l'antisémitisme, écolo, etc., reste bien sûr d'actualité, mais l'idée du média pluraliste reste plus que jamais d'actualité. Et si on regarde aussi bien les journaux que les autres émissions qui commencent progressivement à remplir la grille, on s'aperçoit que de ce point de vue-là, on n'a pas bougé d'un iota. Alors quand même, justement, quand on regarde la qualité de vos programmes, moi je parle vraiment de la qualité de vos programmes, mais je parle notamment des nouveaux programmes comme l'Entretien libre de Lancelin, les sujets qui fâchent, ou Ils sont là, que vous présentez, vous d'ailleurs. Vous ne vous dites pas quand même que le JT, comme forme ancienne, n'était pas forcément la meilleure idée ? C'était un pari, c'est-à-dire de reprendre les codes de la télévision et de transformer finalement ce qu'est le journal habituellement. Il annonce par exemple pendant très longtemps ce qui se passe du côté de Johnny Hallyday, si respectable soit l'homme et sa famille. Nous annonçons finalement, j'allais dire de la même façon, la grève de femmes de ménage dans un grand hôtel ou tel ou tel accident du travail avec les morts qu'on connaît. C'est-à-dire que depuis le début, c'était le clin d'œil qu'on avait envie de faire. Et je pense que si le Média a eu un si grand succès, en tout cas médiatique, c'est notamment parce qu'il s'est amusé à aller faire sortir le journal télévisé de sa boîte habituelle. Au début, nous disions le journal s'est échappé de la télé. Donc bien sûr que c'est un code qu'on peut considérer dépassé, et en même temps, c'était, en tout cas pour le départ, peut-être que tout ça va évoluer, pour le départ, c'était une façon de faire la nique, j'allais dire, au système, disons, aux médias mainstream. Le JT n'a pas vocation forcément à durer, donc ? Pour l'instant, nous ne sommes dans aucune forme de réflexion là-dessus, mais je considère qu'il n'y a rien de sacro-saint. Et déjà, par exemple, c'était ça le point de divergence avec Aude Rossigneux, nous souhaitions et nous mettons en pratique aujourd'hui le côté tournant de la présentation, ce qui est déjà une façon de subvertir le journal. Alors certains ont parlé de rédaction soviète. Qui décide de quoi finalement ? Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment se déroule une programmation ? Qui décide des sujets qui vont être abordés dans ce JT, dans cet alter JT ? Vous me permettrez de dire que pour moi, soviète n'est pas une injure. C'était des conseils ouvriers, paysans, des conseils du peuple. Je suis d'accord qu'il y a eu quelques dérives plus que regrettables par la suite. Mais bon, écoutez, notre idée, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire de faire en sorte, par exemple, qu'aux conférences de rédaction, chaque matin, tous les gens de l'équipe, pas seulement les journalistes, puissent y participer. Aussi bien ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux que ceux qui participent comme moi. Moi, j'ai dû y aller une seule fois, je crois, aux conférences de rédaction, qui, comme moi, participent un petit peu à la réflexion d'ensemble du média. Donc, les décisions, je ne vais pas vous dire qu'elles sont prises collectivement à la main levée, parce que ça n'est pas exact, mais grosso modo, dès que quelqu'un a envie de faire quelque chose, il le fait. Ce qu'on avait trouvé comme principe au début, c'est qu'il faut que vous trouviez au moins une personne, non pas seulement dans la rédaction, mais dans l'équipe, qui soit d'accord avec le sujet que vous vouliez traiter pour le traiter. Après, évidemment, on tranche parfois, aussi bien au niveau des journalistes, parfois au niveau du comité qu'on appelle de pilotage, parce qu'on sait que sur le même sujet, il y aura un autre sujet identique qui va être traité dans une autre émission. Donc, il y a besoin de coordination. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que jamais personne n'a été censuré dans le Média. pas plus Noël ma mère que Claude Elcal. Alors sur Noël ma mère, justement, vous ne décollerez pas sur ces conditions de son départ. Vous dites qu'il n'est pas honnête et qu'il n'est pas parti pour des bonnes raisons, que c'est un ami de la famille d'Aude Rossigneux, pardon, ex-rédactrice en chef. C'est un peu court comme explication, non? Alors, je ne dis pas exactement ce que je viens de rapporter. Je vais vous le redire autrement. C'est quelqu'un que je connais qui est donc un de mes amis, pas intimes, mais depuis des années et des années. C'est lui qui m'a demandé de venir aux médias. Je lui ai demandé, moi, de signer le manifeste, mais c'est lui qui m'a dit, si vous avez besoin de moi, je viens. Donc, on ne l'a pas cherché comme caution. Et il dit lui-même partout, en tout cas au début, qu'il a été totalement libre. Il choisissait ses sujets, il choisissait ses invités, et nous mettions, ce qui est tout à fait normal, les petits moyens que nous avons à sa disposition. Et donc, je lui ai parlé, je dirais, 5 ou 6 fois avant son départ. Et au début, il me disait simplement, je suis embêté, tu sais, parce que je suis copain, effectivement, avec la famille d'Aude, et que je n'ai pas envie d'être pris entre les deux feux. Et que je vais donc sans doute terminer encore 5-6 émissions, après il faut que je parte un mois à Bègle, donc de toute façon ça va s'arrêter. Et puis progressivement est arrivée cette histoire incroyable de la Syrie, prétexte, parce que ce qu'a dit Claude Elcal ne posait pas de problème. Et dans tous les cas, j'ai dit à Noël, mais si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, ben viens dire le contraire. On ne t'a pas censuré, on ne va pas censurer Claude Elcal, qui en plus ne disait rien qui soit problématique au-delà du débat qu'il faut avoir sur la Syrie. Prétexte, mais qui est l'une des raisons pour lesquelles l'une des journalistes d'ailleurs a quitté le média. Alors, c'est Catherine Kirpin qui était éminemment sympathique. Enfin, tous ces gens sont très sympathiques. C'est-à-dire que je vais pas en dire du mal une fois qu'ils sont partis. Ils n'ont pas dit du mal en partant, d'ailleurs. Non, c'est Catherine, j'ai découvert ce pourquoi elle était supposée partir. Léa Ducret ou Marc de Bonny ont dit, ben, on a d'autres projets. Ce qui s'est passé là, c'était intéressant, mais on a envie de faire autre chose. Des arrivées, des départs, il y en a beaucoup. Ce qui est amusant quand même, c'est que lorsque c'est des vrais vidages politiques, comme par exemple au Nouvel Obs, d'après ce qu'on me raconte, Croissant-Do, notamment pour sa couverture légèrement problématique sur le président Macron et les immigrés, a été viré. J'apprends qu'il y a encore un journaliste viré, je crois, à France 3 Régions. Bon, c'est drôle qu'on se focalise sur nous qui n'avons en rien viré les gens. C'est-à-dire Noël, il est parti pour les raisons qui lui regardent. Aude, je lui avais proposé, comme mes amis, de rester. Bon, c'est... Allez, petite crise de croissance au bout d'un mois et demi. Allez, on tourne la page. Lors de la création du Média, la presse dite libre et indépendante vous avait interpellé pour s'étonner que vous n'ayez pas eu un mot pour elle, comme si elle n'existait pas. Vous leur avez d'ailleurs répondu dans une tribune. Quelles sont vos collaborations aujourd'hui avec cette presse? Alors, il y a des partenariats qu'on peut trouver sur notre site. Nous allons notamment... nous rapprocher encore plus de reporters ou de street press. Moi, je ne perds pas espoir qu'un jour Arrêt sur Image et nous réussissions à trouver une forme de collaboration. Schneiderman n'est pas sur le principe absolument opposé, il est très méfiant. Je le comprends, il souhaite son indépendance. Mais je vais vous dire, même avec Mediapart, qui nous tape beaucoup dessus, peut-être parce que Mediapart craint qu'un certain nombre de ses abonnés viennent chez nous, alors que je crois que franchement il y a la place pour tous les deux, je n'écarte pas l'hypothèse de travailler avec Mediapart. Moi je pense qu'on a de grands ancêtres qui vont du Canard Enchaîné à Mediapart en passant par reporter. On essaye de nouer des liens de plus en plus étroits et j'espère qu'ils comprendront que nous sommes un espace de liberté. J'avais posé... Charline Vanhoenacker, le match qui a opposé hier l'Atlético Madrid à l'Olympique de Marseille a rassemblé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'espace de 90 minutes, les deux hommes ont regardé dans la même direction. Ça a beaucoup excité la presse, ça. Et d'après Libération, Macron est supporter de l'OM depuis l'âge de 15 ans. Mais chez Mélenchon, la passion du foot l'a saisi d'un coup, comme s'il était tombé à genoux devant la Sainte Vierge. Alors, il n'y a pas si longtemps, il considérait le foot comme l'opium du peuple. Aujourd'hui, il le fume. Jusqu'à ce qu'il soit élu député de Marseille, Méluche s'y connaissait en foot comme Guy Lagache s'y connaît en radio, tiens, voilà. Hein et non, parce que les gars, attendez, parce que Guy Lagache, c'est le nouveau numéro 2 de Radio France. Arrêtez de rigoler ou quoi, vous êtes fous? Alors, mais attendez, qui se dévoue pour annoncer à Laura Adler et à Jean Lebrun que leur nouveau patron, c'est l'ancien animateur de Capital sur M6, hein, moi, qui moi. Hein, Thomas. Et attendez, est-ce que si ça se trouve, Laure et Jeannot, ils vont devoir s'adapter au ton M6, hein, tout de suite, l'incroyable destin de la chorégraphe Anne-Thérèse de Kersmacher. Et là, Napoléon part à Sainte-Hélène. Alors, moi, je suis plutôt rassurée que ce soit Guy Lagache, mon nouveau patron, parce que ça veut quand même dire qu'on est passé à deux doigts de Bernard de la Villardière. Hein. Hashtag soulagement. Bref, j'en étais où, moi, avec tout ça? Oui, Méluchy et le foot. Bah, comme quoi, on peut avoir été sénateur dans les années 80, puis être néophyte en 2018. Il kiffe le football, Méluche. Il paraît qu'il a commandé un album Panini de la Coupe du Monde et que Benoît Hamon lui a proposé d'échanger ses doubles, mais il a refusé. Je comprends pas que cette passion lui soit pas venue plus tôt. Le foot, c'est des millionnaires en short qui courent après un ballon. Alors, vu le salaire qu'ils touchent, autant les regarder jouer. C'est de l'argent foutu en l'air si le peuple ne participe pas à la fête. Après, il a fallu expliquer les règles à Mélenchon. Il a eu un petit peu de mal à intégrer celle du hors-jeu. Réaliser qu'un type qui part tout seul devant pour doubler tout le monde soit sifflé par l'arbitre, c'est dur. Enfin, pour l'instant, la reconversion se passe bien. Il y a juste quand hier soir, il a obligé Gérard Miller à regarder le match à la télé en buvant de la 8-6. Ça n'a pas été simple. Quant à Macron, quand on lui demande pourquoi il est supporter de l'OM, il répond « Parce qu'ils m'ont fait rêver. Ils m'ont fait pleurer. Parfois, ils m'ont fait vibrer. » C'est tellement beau, j'ai cru qu'il parlait d'Alain Mac et de Jacques Attali, dis donc. Alors ce matin, il est déçu par la défaite, comme Mélenchon, qui s'est rendu compte que le football, c'est comme la politique. On y croit jusqu'à la fin, et puis au moment décisif, on se prend une tôle. Mais bon, il se console en disant qu'après tout, à 4 buts près, l'OM gagne à la finale. Hein. Merci Charline Vanhoenacker. Soyez... Sur Arte, bienvenue dans le dessous des cartes. Le sport est-il la poursuite de la politique par d'autres moyens? Souvenez-vous de l'automne 2017 par exemple et de ces grands sportifs américains qui posent un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre la mort de plusieurs citoyens noirs abattus par des policiers blancs et pour dire leur opposition à la politique de Donald Trump. Le stade devenait alors une tribune politique. Des Jeux Olympiques comme démonstration de la puissance des États aux guerres qui se prolongent parfois dans les stades, vous allez découvrir dans cette émission qu'il existe bel et bien une géopolitique du sport et d'autant plus à l'heure de la mondialisation et du soft power. Vous le savez, en 2024, c'est à Paris que brillera la flamme des Jeux Olympiques. Regardez les principaux sites retenus pour cet événement mondial, 14 dans Paris intramuros et 14 en Ile-de-France avec le village olympique à Saint-Denis. Infrastructures, tourisme, droits télé, la capitale française attend de multiples retombées économiques. et aussi symbolique, bien sûr, puisque c'est l'occasion de montrer le drapeau, c'est-à-dire d'affirmer en grand sa puissance sportive. Car le sport est puissance. État et ville rivalisent donc pour exister sur la scène des grands événements internationaux. Voici par exemple la carte des derniers gagnants de cette compétition parfois féroce pour des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde de foot, de cricket ou de rugby. L'histoire des Jeux Olympiques nous montre à quel point le sport et la politique internationale sont liés. Né en 1896 à Athènes, à l'initiative du Français Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques regroupent alors seulement 14 pays. Au JO d'Anvers en 1920, des vaincus de la Première Guerre mondiale, Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie, ne sont pas invités sous la pression de la France et du Royaume-Uni. En 1936, à Berlin, le triomphe des athlètes allemands permet à Hitler de démontrer au monde la puissance et l'efficacité du nazisme. Plus tard, la guerre froide oppose les deux blocs sur le terrain sportif. Elle va même jusqu'au boycott des Jeux de Moscou par l'Ouest en 1980, puis par celui des Jeux de Los Angeles par une majorité de pays de l'Est en 1984. La guerre des médailles olympiques est alors à son apogée. Depuis 1992, quatre grandes puissances sportives dominent les Jeux. Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, entraînées par l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Des États qui ont les moyens financiers et politiques de leurs ambitions sportives. Face à ces géants, certaines nations se spécialisent pour sortir du lot, comme la petite Jamaïque, 3 millions d'habitants, qui fabrique des stars de la course grâce à des championnats scolaires de haut niveau organisés chaque année dans le stade de Kingston, rempli par 30 000 spectateurs. Résultat de ce recrutement, Usain Bolt, un octuple champion olympique, est la cinquième place pour la Jamaïque au niveau des nations, avec 110 médailles depuis la création des championnats du monde d'athlétisme. Le sport est un acteur de la diplomatie. Il permet même parfois de réconcilier des ennemis. Prenons l'exemple du cricket. L'Inde et le Pakistan, anciennes colonies britanniques aujourd'hui scindées en deux nations rivales, en ont fait leur sport national. Depuis la partition en 1947, ils se rencontrent régulièrement sur les terrains de jeu. Les matchs de cricket sont l'occasion pour les deux pays de renouer le dialogue sur la région contestée du Cachemire, notamment lors des Coupes du Monde de 2011 et de 2015. Le sport sert aussi à soigner son image. Le Qatar, monarchie de la péninsule arabique, s'est lancé depuis quelques années dans une intense diplomatie sportive avec le sponsoring du maillot du FC Barcelone tout d'abord, et puis bien sûr l'achat du PSG et de ses nombreuses stars culminant avec la prise de l'étoile brésilienne Neymar, la diffusion des grandes ligues européennes sur sa chaîne beIN et aboutissement en 2022, l'organisation de la Coupe du Monde. Sauf que celle-ci est très controversée. Déplacée à l'automne pour éviter la chaleur estivale, elle aura lieu dans des stades climatisés à Doha, la capitale, et dans plusieurs villes du pays. Lusail, qui accueillera la finale, devrait entièrement sortir de terre pour l'occasion. Mais pour les ouvriers venus d'Asie du Sud, les conditions de travail sont terribles, à la limite de l'esclavage, et des centaines d'entre eux sont morts sur les chantiers. Pourtant, après l'offensive diplomatique menée par son grand voisin et rival l'Arabie Saoudite et ses alliés régionaux mi-2017, le Qatar a pu compter sur les alliances nouées avec les Occidentaux. Par ailleurs, le sport sert aussi de monnaie d'échange, par exemple entre la Chine et l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des stades et vous voyez ici les principaux stades cadeaux construits par des entreprises chinoises sur le continent depuis les années 70. Ajoutons-y ceux de Douala au Cameroun et d'Abidjan en Côte d'Ivoire, prévus pour 2019 et 2021. Alors qu'attend la Chine en échange de la construction de ces stades, un accès aux matières premières de ces pays. Prenons par exemple le cas du Gabon, organisateur de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2017. Sur les quatre stades utilisés lors de cette compétition, Ceux de Libreville, Oyem et Port-Gentil ont été entièrement financés et construits par la Chine. En contrepartie, celle-ci a un accès privilégié aux exportations gabonaises de pétrole, de fer et de manganèse. À l'heure du sport entièrement mondialisé, l'ambition footballistique chinoise s'étend également à l'Europe. Vous voyez ici en 2016 les clubs européens où l'investisseur chinois détient une participation majoritaire ou même unique, et puis ceux où il est l'actionnaire minoritaire. Soutenu par le gouvernement, les clubs chinois achètent également à prix d'or des joueurs européens. Et pour attirer les meilleurs, ils versent des salaires astronomiques. À l'automne 2017, le joueur le mieux payé au monde, Ezequiel Lavezzi, évolue au eBay China Fortune pour 49 millions d'euros par an. L'objectif de Xi Jinping est de faire de la Chine une superpuissance du football et de décrocher le mondial en 2030. Le ballon rond est ainsi un instrument du soft power chinois à travers le monde. Le terrain de sport est aussi régulièrement un lieu d'affrontement. Les guerres s'y poursuivent autrement. Par exemple, au Danemark, en 2001, le match entre le Groenland et le Tibet provoque les foudres de Pékin. Les représailles chinoises iront jusqu'à l'embargo sur les crevettes groenlandaises, une ressource essentielle pour l'île. En 2016, aux Jeux de Rio, l'Éthiopien Feisa Lilesa passe la ligne d'arrivée du marathon en seconde position. Il mime des points menottés en soutien aux manifestations contre son gouvernement. Il est depuis menacé et vit en exil. Le cas de la Palestine est lui aussi emblématique. Israël a tout fait pour interdire les matchs de l'équipe de foot palestinienne. L'État hébreu n'empêchera pas l'affiliation de la Palestine à la FIFA en 1998, une reconnaissance internationale pour un territoire qui n'a aujourd'hui qu'un siège d'observateur à l'ONU. Car les frontières du sport ne sont pas nécessairement celles des Nations Unies. Prenons le cas de l'Europe. Au-delà de l'Union européenne, une autre géographie se dessine. L'Europe du rugby, par exemple, qui donne le statut de nation à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande unifiée. Et elle intègre aussi la Russie et même Israël dans ses frontières. La fédération de tennis, autre exemple, inclut aussi la Russie et Israël dans l'Europe, mais également la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le football, de son côté, a ses propres frontières et sa propre organisation internationale. La FIFA, Fédération internationale de football, créée en 1904 par 7 pays, compte aujourd'hui 211 membres, certains non reconnus par l'ONU. Depuis 2015, elle est sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption, fraude et blanchiment d'argent qui ont entraîné, entre autres, la démission de son ancien président, le Suisse Sepp Blatter. Les enjeux économiques et les luttes de pouvoir ont pris une dimension mondiale depuis la toute première Coupe du monde de foot au Chili en 1930. Longtemps chasse gardée de l'Europe et de l'Amérique latine, aujourd'hui, sur tous les continents, on souhaite pouvoir organiser le mondial pour pouvoir bénéficier d'une véritable manne financière. En effet, le mondial brésilien de 2014 a rapporté près de 5 milliards d'euros de recettes à la FIFA, des revenus issus des droits télé, avec 3,2 milliards de téléspectateurs et des accords avec des grandes marques. Sauf que le Brésil a aussi dépensé 15 milliards d'euros pour cette organisation, soit largement plus que les bénéfices estimés à 8,5 milliards d'euros. La FIFA lui a reversé seulement 100 millions d'euros en récompense. Alors le football peut-il être un accélérateur de développement? L'Afrique est un vivier de talents où puisent sans hésiter les clubs des grands championnats européens. Un grand nombre de joueurs nés et formés sur le continent s'expatrient vers l'Europe en quête d'un avenir meilleur. Pourtant, l'Afrique a désormais des équipes capables de gagner au plus haut niveau. Le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, l'Égypte ou l'Algérie ont brillé lors des récentes Coupes du Monde. Et puis l'Afrique a aussi son propre mondial, la fameuse CAN, Coupe d'Afrique des Nations, dont vous voyez ici les pays participants et les vainqueurs. Chaque année, les meilleurs joueurs reviennent au pays pour cette immense fête populaire. La géopolitique du sport est un sujet qui passionne depuis longtemps le géopolitologue Pascal Boniface. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pourrez donc lire utilement cet ouvrage, paru en 2014 chez Armand Collin, qui démontre comment, à l'heure de la mondialisation, le sport relie les peuples et devient donc une arme du soft power des dirigeants. Autre grand spécialiste de ces questions, mais sous un angle historique cette fois, Thierry Terray et son Histoire du sport, publié au PUF en 2016. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Charline Vanhoenacker, après s'être expliqué devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg a été auditionné mardi par le Parlement européen pour la légèreté avec laquelle Facebook évente nos données personnelles. Zuckerberg effectue un tour du monde de la contrition, ce qui revient à lui faire recopier en 53 langues la phrase « je ne le referai plus, du moins plus pareil ». Et c'est amusant de le voir se déplacer jusqu'à Bruxelles, lui l'inventeur d'un réseau social, alors qu'il lui suffisait de livrer ses excuses en streaming via Facebook Live, que nous aurions liké, poussant en bas d'un clic dédaigneux. Zuckerberg, devant la représentation européenne, on aurait dit un vilain petit garnement qui a cassé une vitre, mais c'est la vitre qui donne sur notre chambre. Alors c'est normal qu'il soit dans ses petits souliers, le jeune milliardaire. Il n'y a pas si longtemps, il était invité dans les soirées d'Hollywood et aujourd'hui, il se fait engueuler par Guy Verhofstadt, eurodéputé belge. Et ça, quand on est le patron de Facebook, plus puissant qu'un État-nation, tu flippes devant Guy Verhofstadt. Et quand Zuckerberg se fait passer un savon par Gabriel Zimmer, l'eurodéputé allemande, mais si, il se dit quoi Zuckerberg? Son fort intérieur, il se dit gna gna gna gna gna, pauvre conne. Oui, alors on est d'accord qu'au fond de lui, Mark Zuckerberg. C'était une citation. J'ai perdu à Paris Guillaume Meurice, monsieur Finky. Alors on est d'accord qu'au fond de lui, Mark Zuckerberg n'en a rien à faire qu'on l'accable. D'ailleurs, pendant que son interlocuteur lui parle, on sent bien dans son regard vide qu'il est en train de calculer le nombre de secondes qu'il lui faut pour gagner le salaire du député qui est en train de le pourrir. On ne peut pas espérer changer le PDG de Facebook, autant demander à Fillon de rendre l'argent. C'est pour ça que mardi, il a abrégé son audition devant le Parlement. Le temps imparti était écoulé de plus de 15 minutes. Et vous savez combien ça gagne un Zuckerberg en 15 minutes? Alors il a promis aux eurodéputés qu'il continuerait de leur répondre par Messenger. Smiley mort de rire. Il y avait notamment une question sur les profils fantômes à laquelle il n'a pas pu répondre. Quand tu penses que pour ça les Tibéries n'ont pas attendu Internet. Ensuite, Zuckerberg s'est rendu à l'Elysée, mais pas pour s'excuser. C'est juste que Macron lui a demandé s'il pouvait lui démerder son affaire de logiciel Parcoursup. Alors que dans le fond, la question essentielle, c'est pourquoi miser sur l'intelligence artificielle alors qu'on possède déjà des gisements infinis de conneries naturelles. Merci Charline Vanhoenacker. La sécurité sociale naît dans les métiers de la résistance, la sécurité sociale sera, donc instaurée par le gouvernement de Gaulle qui, confronté à la mauvaise foi du patronat devant l'avancée sociale de la création de la Sécu, et pour mettre un terme à cette obstruction des réactionnaires, fit voter deux ordonnances. En 2014, le rapport de la Cour des comptes publiait « Le trou de la sécurité sociale aurait atteint, régime général plus fonds de solidarité vieillesse, 16 milliards d'euros ». Mais ce rapport complète son information par ceci. Le montant de la fraude patronale aurait atteint 20 à 25 milliards d'euros en 2012. Information bien entendu, cachée au grand public, qui croit peut-être naïvement que ce sont les assurés sociaux responsables de leur propension à aller se soigner, comme tout être normal, et à accroître le trou de la sécurité sociale, trou qui n'existe que dans l'imagination perverse de ceux qui trouvent intérêt à répandre cette manipulation de chiffres, et de dissimulation de la vérité d'une situation largement fantasmée. Dans un seul but, la privatisation totale et à terme de la sécurité sociale pour la livrer au privé. Les politiciens ne sont pas en déficit de mensonges, non plus. Que nous disent ces chiffres transmis par la Cour des comptes? Tout simplement, ils nous expliquent que du côté de l'État et du patronat, les taxes destinées à la sécurité sociale, qui devraient lui être reversées, ne le sont pas. Hélas, elles avaient été prévues en partie pour cela, c'est un peu comme l'histoire de la vignette automobile, souvenons-nous, en direction des personnes âgées, qui n'ont jamais été reversées. Les taxes sur le tabac ne sont pas reversées, représentent 7,8 milliards d'euros. Les taxes sur l'alcool ne sont pas reversées, 3,5 milliards d'euros. Les primes d'assurance automobile ne sont pas reversées, 1,6 milliard d'euros. 4. Les taxes sur les industries polluantes ne sont pas reversées, 1,2 milliard d'euros. 5. La part de la TVA n'est pas reversée, 2 milliards d'euros. 6. Retards de paiement par les entreprises ne sont pas reversés, 1,9 milliard. En soustrayant le total des taxes, au prétendu trou, nous avons donc un excédent de 9 milliards d'euros. Économiste qui se respecte le sait très bien, le patronat le sait très bien, le gouvernement aussi, mais ils diffusent leur discours pipé, pour faire admettre dans l'esprit des gens que la sécurité sociale, cela se gère comme une société ou un budget familial. Rien de plus faux, car la sécurité sociale a été fondée, dès le départ en 1947, sur le principe des transferts entre les caisses, qui n'ont rien à voir avec les dépenses des assurés, et que les successives exonérations des charges patronales non compensées par l'État, ont fabriqué une situation ambiguë, complexe, sur laquelle se sont engouffrés les ultralibéraux et le patronat en tête. Pour dire stop à la sécurité sociale et bienvenue à la privatisation. Chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils vont voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom pom pom pom pom. Dans une France